Document 2, page 68. Tu veux encore de la salade, Félix ? Il en reste. Avec plaisir. J'adore la salade de champignons. Bon, je vais chercher le deuxième plat. On mange bien chez Mélanie. C'est vrai, elle cuisine très bien. Qu'est-ce que tu nous apportes, Mélanie ? Ça sent bon ? Ça, c'est une recette de ma grand-mère. C'est du poulet aux herbes de Provence. Ah, je connais ! Tu mets des tomates, des oignons, des carottes... Non. Des carottes, il n'y en a pas. Mais je mets des courgettes. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des olives noires ? Non, il n'y en a pas. Des olives vertes, alors ? Oui. Du vin rouge ? Mais pas du tout. Il y a du vin blanc. Allez, goûte. C'est très bon. Tu veux du pain ? Non, merci, j'en ai. Ce poulet est délicieux, Mélanie. Je peux en reprendre ? Mais bien sûr. Et il y a aussi des pommes de terre. Prends-en. Et toi, Claire, tu en veux ? Non, merci. Donne-moi des tomates. Tu veux de la sauce ? Je n'en veux pas, merci. C'est excellent. Et qu'est-ce que nous allons manger comme dessert ? Félix, calme-toi, voyons.